bien dans ta camine. Ok, moi si y a pasteur, après avoir que mon banaya a béli le boma, bah je prie les moi ça confesser que pasteur a kenya aussi ma kisi a dit sans coller y a pour ça la bas miracle bonabo. Pourquoi le banin l'homme de Dieu, bimisi ma camine béli y a son mot na lors y a confession. C'est difficile nganga moko nganga pasteur. Donc nganga pasteur moko a me maye na li felo to a faire perdre ye am na ye ka boy. A cause la quand même na connaissance ko ba ke ba pratique na zomona o ya za homme de Dieu te. O ya za nganga homme de Dieu. Parce que miracle eza eloko oyo papa e cause la eza elembo ya cause la musale ya nzambe te. Parce que soit toke na miracle e dingwa ko sale la biso ngo ya ko sakana te. Soit toke na miracle ba fétichère ba ko sala ngo ya ko sakana te. Miracle ze lembo ezo talisa te ke homme de Dieu oyo azana nzambe. Ezé le moté parce que bana na nzambe le loba okenda à travers miracle a pesa ka prophétie avec exactitude. Oui papa na pesa ka prophétie avec exactitude mais elle le moté pour ndokipe akota la yo ayebina mboka na yo ayebine la mbola ta kilobi ayina bloku liaki un sorcier ako pour toi bête les sorciers et dingue pas pour ça na ba miracle papa bande o bazola na biso on se prend que suite ya ba makamo to zo mona entre na milieu na bino ba pasteur ba homme de Dieu l'homme de Dieu bande o bazola na biso de pasteur que ton nima makamo et dingue a loba pe na ba émission mon souci ba pasteur mingi ba ya koza ba qui c'est pas na ye on est comme mona ba misu bazo bela maboma bon neti bande ko yo bazo bela maboma to ba kinda kozo ba qui c'est ici ka wana na te bele ba kende pa na ye pour na kozo biloko wana na ko ebisa bana na Zambe que lelo na mboka na biso d'abord na Congo awa beaucoup de serviteurs de Dieu ba ganga ki ba sala ki makamba mina lelo ba bunga misusu même prédication na ya pamba chaka sur la télévision te ayebi ke ba to ba olanda moti c'est parce que atambola ki mabe c'est parce que atambola ki na Nzambe te asayela que ezala ki volonté na ye ba contrat na ya signé ki na ko elle place au sala buzo ba place au kota na kwanga satana au kota na vino au koye bate akoti dans le silence même ko la ko bima kaka ne pasteur wana beli liboma ba tunyo so ba comprendre ko ka ya 20 démons même ko la ko tari to ye bate mais pas nanza azaki na mbasu abiki na mbasu abia non homme de Dieu azamu tuna nzamba pandi sango batu musubayi ko bika na yo na mbasu lingite eliko lo bateke molimo na yo biki mai wane ko zale witeke pangango ali kim tabokela ki mbasu. Voilà pourquoi va travailler en ébikisio na mbasu. Voilà pourquoi va travailler en ébikisio na maladie moko. Même olimo na yo. Pour après ko bika même na mbasu. Après ko bika même na likambo yo bando mona ki bando déranger yo, ba sel yo pratique moko douteuse ya banganga wana obiki e bongo molimo na yo. Ndo moni batwe bile après ko bika na bloko wana, vina bango ko ma bloquer, azayina besoin mbasu akenda e pa pasteur nganga mbasu ebiki me. Ye wana zo vivre na pas si musa les actes banani bazo vivre bien que makambo za bloquer. Aza même pas stable na vie pona nyaki ndeko te kavina e a cause ya lobby ko moko bande ko luka akekota na pasteur na parce que le lo partout bande ko nsonga nganga bakomi ango Jésus-Christ est Seigneur. Thank you. ngai e komi maya komela kati kati na esobe obongo lipasi na ngai kolela oyu ya ngai e komi lelo kusika oyu nazanga kilobi lelo oyo ekomi ya ngai moninga toyemba elongo moninga ngai ya tango nyonso seyo Yesu nzambe awanga nakangai te atangai nazangi bapota oya mote bapota ya motema na nga okausi yango Yesu nazalati o tikaki ngai te bonzambe na bonzambe lola ezofuta bien aimé dans le Seigneur esima nankoyo abobaki nzama boye tokoye elisus wapi na monso azosalela biso merci na bino nyonso bozali connecté bozolanga biso de partout na site na bino nzela ya lola la voix céleste esika bonzambe ekitaka na loyembo na maloba mpe na misala bien aimé dans le Seigneur un grand merci na filo mokwa ya motema ya bivince de homo depuis Londres na mama Gisèle Luke Lomotema ya Papa Emmanuel na Boston et puis na Pasteur Feza Monsieur la bouche autorisé de l'Éternel en Gamaziri que l'apôtre l'homme du surnaturel l'apôtre Fabrice Kiangata depuis Allemagne topé sur Mbote et Sika Ozali pe na ndeko na biso oyazola na biso depuis Italie hein, depuis Italie Bobette Pouva, Bobette Pouva, Emilia depuis Italie l'angolaise, Topesio Mbote et Sika Ozola Nabison Zamalola, Amonope, Amona les frères, Papi Kongé na Motema Masilvi, Wachini Pe na Mama, Mami Mbunga, Motema Papa Blaise et Mbunga. Bonzambe na Bonzambe Lola. Ezo futa simana to ya wuba kenza maboye to kwa e le so soit bien aimé dans le Seigneur et n'a rien que la vérité le lot ko ya manan rien que la vérité ya meli binona bien aimé dans le Seigneur to beta masolo kalami tena invité na biso aza déjà awa en tout cas na cadre ya ko informé bien toujours bien aimé dans le Seigneur Eza na ba émission moto ta ko sala wa na ba prophète moi ebele na kamoko e wuti pe ko sala ma bien-aimé dans le Seigneur et concernant pasteur moko bien-aimé dans le Seigneur et ye ba binga ba ba ro binga sur non eza ki talentala na nkolo apana ko sakola mate ya ma sakola avec précision à sa avec succès ma casse bien-aimé dans le Seigneur pour ne pas te bloquer autant comme on est pasteur a vota ko bela li boma bien-aimé et si ma ro binga ko bela li Maninga ne ba tamboli mes solutions exactes mais moi si naye moko aye ko avouer et pas pasteur mon copé a bété la biso du solo Freddy a dit que moi si naye avouer et pas naye que non pasteur réellement à côté à kina aussi ma kit si bisi ma simba ya onde et bété retour bien aimé dans le Seigneur a dit ba vérité mine kuna moi si naye a lobby et a confesser ba maramé belé ndenge mo bali na ya banaye ko sala bande ko na église ndenga kina ko si ma kit ndenga banaye ko travailler et le petit retour à Béli Liboma, Bazo la Nérène à ma prière et pas Yefredi, je crois bien qu'il y a un peu de service au suite bien aimé. Tourmé au conseil là. Ko so wana invité na si point wana ojise ezanini ki bonzambe ezana kata Congo to ki bonzambe za sou pa ba saganza metene to ebiki ba vrai serviteur de Dieu bazali to meko so la na ndeko na biso oyoke to zo yambaye le lo bien aimé dans les saints c'est pour sa première fois le prophète Marquis Efrata Mayoka c'est avec lui que nous allons nous entretenir tout au long de notre émission rien que la vérité visionnaire de l'ensemble sur ta parole en quittant vos cimetières et c'est avec lui que nous allons nous entraîner. Shalom papa. Shalom papa Alvin. Bonne santé. Nzambe a bateli biso, toza penza malamu, kimia na yezo renye na katina biso, pe na katina mboka. Lilo bana bande bazo landa yo, de partout. De partout, bande konyoso bazo landa prophète Marquis Efrata, na besi bino, mbote mingi, bino ba oyo bolula na bino kolanda lilo ba oyo bimaka kati na oyisika na ba emission yo sur les kaka awa que le dieu des impossibles à Pambo Labino, à visiter Bino, à Saïla Bino Bola Mouimele. Non, Bino, merci beaucoup, prophète. Moi, on s'est présenté aux prophètes. L'homme de Dieu, Bandeau Bazo, dans la Bisson. Le prophète, il est bédé. Le pasteur, il est bédé. Bandeau Bélé, il est victime. Il y a une pratique, il y a ma bébé, pas basse, mais le lot Bazo, il est partout bien aimé. Bandeau Bakimi Mokili, Bazo, il est pas en Abino, nous avons un bino pelle de souci, Bozo, Baksa, Bamon, Milim, ma bébé. L'homme de Dieu, réaction, il est cause en ligne par rapport à l'isolo qui est au bébé. Ok, moi si à pasteur, après avoir que mon ban a béli l'iboma, bazo priele, moi ça confesser que pasteur a kenya aussi ma kissi a dit sakoli, a kosa la miracle bonabo. Oko le bani l'homme de Dieu, bimisi ma kami béle, y a somokona, lor y a confession. N'a n'a koe bisabana nan zambé que zambé a l'oubaka kaka n'a pas pasteur n'a pas prophète. Zambé a l'oubé la kabana n'a. Ah c'est bon? Pour dire que ce que nous avons en Nzambe, nous avons eu un peu de temps. Nous avons eu temps de la fin de la fin. Nous avons eu un peu que pendant que nous avons ensemble, dans l'église, nous avons confié à nous dans Nzambe, je préfère bondé. Dès que bondé la côte dans Nzambe, ce qui m'a bali au Yazaya Vinayo, bondé la pétou dans Nzambe, est-ce que homme de Dieu a confié Vinayé Panaye? Parce que tant que nous avons pas prophète, tu n'es pas pasteur, après si Vinayé Mobima, il y a pasteur Oyo, pasteur a bandako landilaye et pasteur a conduire une erreur, pasteur a memaye na enfer, pasteur a memaye a sauver pe moli monaye. C'est pour dire que banan nzambe faut ko bondela ko tout na pe nzambe. Est-ce que mosali Oyo a yo Oyo nga na zo mona aza mosali na yo pour na lingina confier ba problème na ngi pa na nzambe o ya lola ko zanga te ko le bi ce peuple que ba o ba yo ka nzambe te a prier ne concernant les communautés o yo ka nzambe te ce ko ayé pa non de papa. La mina yo ainsi dit l'Éternel, l'oracle de l'Éternel. Il y a yo quand même d'amité. Ako banande. Ba oyo ba yo ka nzambe te, azana besoin a ki n'est pas prophète moko po yo ka nzambe. Ba oyo wananga na ko lobela bango, il faut ba ye beloko moko. Il y a des signes qui ne trompent pas. Même na kati ya musala na nzambe, il y a des signes qui ne trompent pas. Bana na nzambe ne batanga Bible trop. Ba bonde la batanga ka Bible. Parce que moi na nzambe azana connaissance ya parole de Dieu, eza difficile nganga moko nganga pasteur. Donc nganga pasteur moko a me maye na li felo, to a faire perdre ye am na yeka boy. A cause la quand même na connaissance akoyeba ke ba pratique na zomona oyaza homme de Dieu te. Oyaza nganga homme de Dieu. Parce que miracle eza eloko oyo papa e cause la eza elembo ya cause la musala ya nzambe te. Parce que soit toke na miracle e dingwa ko sala la biso ngoya ko sakana te. Soit toke na miracle ba féticheur ba ko sala ngoya ko sakana te. Miracle eza elembo ezo talisa te ke homme de Dieu oyo azana nzambe. Parce que banan nzambe le loba ok na travers miracle. Appelle sa ka prophétie avec exactitude. Oui papa, n'appelle sa ka prophétie avec exactitude. Mais elle mbote po ndokipe. Ako tala yo ayebi na mboka na yo, ayebi ne la mbola taki lobi, ayebi na biloko liaki. Un sorcier a prophétisé. D'abord la Bible dit on prophétise en partie. Biso to prophétise en partie. Mais ndokita mwazo tala yo azana pa précision nyonso. Po tout nika na monde na bango ba informer. Ba informer pa ebisu. Mais la Bible dit nous on prophétise en partie. C'est pour dire que quoi y'a pe na l'équipe sur prophétie na l'obélio aux autres tungiso mais bah point musum balamusum nzambe pas bombi angwa lobi wana tika lika ya ngai na mwana nanga balamusum nzamba la kisi on prophète. Et vous trouvez bête à que edingwe pas pour ça na eba miracle papa. Bande au bazo la na biso. Aux autres moment que suite y'a bah makamo aux autres entre na milieu na bino ba pasteur ba homme de Dieu l'homme de Dieu bande au bazo la na biso des pasteurs que ton lima makamo edingwe à l'obapé na ba émission musu c'est ba pasteur ming baya ko za baki c'est pas na ya on est comme mon ba misu bazo be la maboma bon neti bande ko yo bazo be la maboma to bakinda ko za baki sisika wana na yebi penza te na za na précision te ya makambo wana dingwa loba si réellement ya du pasteur o bakende pa na ye mais nyoso na ko loba na bana na nzambe pe ba pasteur o bazo landange za ke ya ko isa ya masakoli a loba ke ba bele bazo e pa na vas-y si ça vraiment na na ke ba te bele bakende pa na ye pona ko zo biloko wana na ko bisa bana na nzambe ke lelo na mboka na biso. D'abord, na Congo awa beaucoup de serviteurs de Dieu, ba ganga qui ba sala qui makamba mine lelo ba bunga misusu même prédication na ya pa mbachaka sur la télévision te ayebi ke ba to ba landa moti. C'est parce que atambola ki mabe, c'est parce que atambola ki na nzambe te, asaila ki ezala ki volonté na ye ba contrat na ye signé ki na ko ebisa bana na nzambe ataka ba pasteur te même yo frère sœur ozolandanga ba ye bi yo frère sœur mais ozana makamuno saka ko batama. La Bible dit que Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Papa tant nzamba ko ta na via mutu azoko ta avec des bruits. Batino so ba remarquer que frère wa bongoli mutema a pasteur ozana onction wana nzamba koti. Mais jour ozo commettre gaffe nzamba tikio. La Bible dit Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Nzamba tika bat na silence. Le contraire avec le diable. Diable a kota na silence. Mukolazo bimando ki demo azo ganga nzota mutu. Na bimi diable a bimi na ba bruit ma koti na silence. Le temps a kota la on hotel place au sala buzoba. Place au kota na kwanga. Satan a kota na vino au koyé baté. A koti dans le silence. Mais mukolako bima kaka ne pasteur on a beli liboma. Batunyo so ba comprendre ko ka y avait un démon. Mais mukolako ta ki to ebaité. Mais pas na nzambe c'est le contraire. Et pas na nzambe nzamba zo kota na ba bruit. Tout le monde dit ah nzamba o sale la prophète, nzamba o sale la papo. Mais la Bible dit il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Mukolo nzamba zotikai. Tokoye baté to komona ka malembe malemba bandiko kita kobunga ko kende libela type a kobunga si. Et par là que voulez-vous dire l'homme de Dieu? C'est que ba pasteur ou ba sila ba yo kana ali susté ba tamola na nzambe te nzamba se retirer na bongo ou comment? Bon, ko sila ko loba ke ba sila nzambe nde muta yebi penza réellement ndenga tamola na batu. Mais ce qui mutu lelo ayaki ko ebisa biso ke yaka na kubiki sababeli boya na zana nzambo azo kango la bato asale ngo pendant 10 ans asale ngo pendant 5 ans après on sala ngo souter c'est que nzamba sili parce que bata malade basila rata bata ba problème chaque jour ba problème ezoya satan azo bebi sa zo bundisa chaque jour yo zala ki na nzambe obenga ki bato boya ke no nzambe nanga ko sala après ta ozo benga sou bato te ozo tali sa sou grandeur ya nzambe na oti mais nzamba bimi na silence. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson a informé que les Philistins sont dehors. Abibako t'a nako terrassé comme d'habitude. Maïba kite nzambe siatikaki. Ah bon? Ah, ndo monisko ebele. Baeba te nzamba tika bango. Mettant balungi basala babiloko moko boye be spectacle et soukeli bango mabe. Bazaki exposé. C'est là où nzambe siatikaki bango. Ah bon? Voilà pourquoi moi na nzambe, fo luka kotalaka. Pa na yenyo sozocha si réellement nzamba zakaka na. Parce que le prophète Bandeo Bazola na biso nande to mona peke na mbona biso ba pasteur ba régnant ba prophète ba ganga vraiment na mbokoi le lo bazola ka ni susté surtout ça dit comparaison mon la bible to mon ke ba apôtre Pierre ba apôtre Paul ba kufana onction bazola ça toujours miracle Élisée écoutez bemene ye ko kusé kusa miko na ye. Est-ce que Bandeo Bazola na biso papa te cause dans la mini juste pasteur na biso mona ke pasteur ko na 45 ans 50 ans asili na ye déjà mingi mingi o ngana ko loba na connaissance o ngana nzana ngo par rapport ya makambo o yo na lobela awa ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui mingi ezali papa ba contrat o ba kenda aussi muto ka signé contrat na ye moko boye azani na nzambe te a signé contrat na ye mais contrat on est aussi la nzamba ko pesa muto contrat moko boye te si la après nzamba zo salela yo ka ndengo lobiti yo kufa non sio wana papa dina bala kufa ki azo continuer ko bondela pona bato azo continuer ko sala bolamu azo continuer ko sala miracle adina bala azo kufa zo sala miracle azo bondela pona bato bato azo mona loboko na nzambe ti azo kende nzamba zo zwaye soki komi ko zana ona makasi na nzoto obungi kaka boye ozo benga suba tute babika na nzela na yo seke contrat na yo sili na muta pesa ki yo yango moni eza yaka mai o eza 10 dollars mafuta o eza 20 dollars singa o eza 30 dollars. Dilo wana nyoso muta pesa ki yango apesa iya pesa ki yango mbongo somba ki yango. Voilà pourquoi zote ka yango. Kosoka somba ki yango ta kote ka ngote. Ayebi bisika somba ki atali ba sacrifice apesa ki pozo amayi wana. Tso ya ko pesa ngope gratuite. Iye pe fate ka. Est-ce que cause la révélation te molimo etindi te kama yo beni mayo zwa lui donc so sa. Sa biso nyoso. Po ye moko mokonza ba révélation azwa ki zelo atie so ya tie na miso wa mutu mutu miso efungwami. Mayebi sa mutu wana te ke zelo eza 10 dollars. Ayebi sa ki pete ke zelo ya 20 dollars. Aibisa ki yangote. So ki komi revelation ne komi ka fombong. Papa, azwa ki yangon kelke pa rapisa ki mbong. Bo ba o eza ke priye, asali priye bo pesa 100 dollars, pesa 200 dollars, eza mabe? Papa, asali prière pesa 100 dollars avant prière ndeko mo abenge non na kamo papa na nga zo be la faut que nous prions na hôpital non ndeko non faut pesa 100 dollars ya transport ya carburant ma beza. Oui papa, na yebite sans zo lo bela wana il faut toye ba sans ça. Mutu moko benga neti nazana ndeko moko abenga kinga na problème moko mwana na yaza na hôpital minga na balobi na yeke non o eza makam na biso te parce que to landeli to monique changement eza te il faut bo intervenir abenga papa na za besoin intervenir na ba prière na landa ki on émission moko na radio fallait to intervenir to ke to bondeli mazo bisanga ke sipe na benga batu mzuzu na ka o avant kutuna kota na hôpital ezala eso na bengi bo bondela po na nga prophète na bisanga no fo pesa na mbongo avant na bondela po na yo wana eza ba pratique o eza douteuse na mam na za douteuse na ndenge siko papa soki muto amo bola za na problème o bikate ce qui mutoza mobola za na problème o bikate faut nécessairement muto wana pesa mbongo po abika non papa ce qui mutoba o ba singa wana eza mabe papa mais ce qui yo ozo yebisa batu ke yo po bondela po na muto faut muta pesa mbongo ce soit muto wana za na mbongo te bondela po na ete yango moni batu ebele lelo a cause ana ba problème alinga se confier na pasteur abi ce qui kana yebisi pasteur makamunanga mbala moko zo singa ngambongo mais papa bondela po na muto ze lokozo ki gratuitement bible lobi oko pesa ngo gratuit ce qui muto amolo boko na nzambe azana besoin sunga musala nzambe akosunga ngo ba yanga bazalaka batu bazali reconnaissant pe bazali o bondeli po na moni loboko na nzambe abi non na kotika musala boyete nzamba salelinga do e pa no eza prier avant mbongo ye na onsima papa et pas nanga za te que prière avant mbongo ye sima et pas nanga na sali prière yo muto na bondeli po na yo nga na ebi ke soki na bondeli po na mutu na pesi prophétie nzamba lo belinga na ebi ke eshua kate il faut muto na mona loboko na nzambe et soki muto amona loboko na nzambe abi singa papa na moni loboko na nzambe ta lo fond nanga c'est pas un problème azo obligé te papa a cause à l'obligé comment nga nzamba pesi nga gratuit na soki komi azo obligé bongo soko azana ngote c'est que nzamba osala te prophète yo on prophète marc son dieu ma comment on bien terre ni ba ba confrère no ba collègue no ba zo travailler ba on ba zo que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel hein papa je travaille à l'hôtel je mange à l'hôtel parce que nazana batu oyo ba ya ba chômeur na bonde la pona bango ba zo misala malonga ba pesa kadim je travaille à l'hôtel je vais manger à l'hôtel parce que nazana batu oyo ba sala 8 ans bota kate na bonde la pona bango ba bota batu wana ba benga kanga ata na bengete papa nzambe no asali langai je donne ça. Je travaille à l'hôtel, je mange à l'hôtel. Mais n'a qu'obligé mon touté à Azana besoin, à Bika, Azana Mbongote, il faut payer quelque chose pour nous ambassade. Non, papa. Connaître ba o ba sala ba collègue na o ba sala rabongo o tina $100 pesa $200 bon. O avant que prier avant que to déplacer avant que to sala boyeza ma belle sou na yebite lo lenge basenga ngo parce que o na yebi par rapport à langage na onde nazo comprendre nga basi ba benga nga déjà frère Alvin ta na solo na prophète mo ba ni a senga que $300 na tina avant que ake no prier le papa na nga zobela avant que ase la prier le bi que sala bo sala bo na tina $300. Bon, merci papa Alvin. Et là, on a quoi le besoin que ce qui est que prophète soit naza peut-être musika. Azana possibilité. À quoi il s'endort on a peut-être à baigner en France. Que nous bon de la peau na papa na ngaza na kingasani. Ah, il est pas à peut-être na monga fula. Mais non, on a zana carburanté. Tindelanga quelque chose na tcha carburant pour na koma kuna. Ça c'est pas un problème. C'est yo pour ça la gango. Papa Alvin. Soit ça la mo déjà. Papa Alvin. Yo ndo ebisinga ngo. Ya mo na développer ngo qui na sens que tindelanga mbongo carburant pour na déplacer. Oui. À cause singa yango atindele sokazana ngote les prophètes ça dépend na esali dinaye parce que ngana tele makana tamboli na kepe bisika na bondeli pona batu na carburant ngana tourner na zone na sali ba déplacement na bondeli pona batu na zone papa to kinda na hôpital to singa batu na mbongo te na kota kana hôpital o eza na milier o ngana zani après un mois na kota kana bondeli pona batu na hôpital na kepe sa na singa ba mbongo te malamuso avana sala déplacement ona na raisonner ni to kopesa na bande ko wana. Mais s'il faut papa, nous allons en mettre à cupidité. Ce qui est cupidité, les kinés te commandent à niveau. Nous sommes naïbi n'angati. Ce qui pèse dans la basse là, mais si basse là, bon. Basse là, on est en informé, yo basse basse là. Nous sommes dans la bande de basse là. Batika cupidité et qu'on permette de sauter tout l'évangile. Tala mona mukio abimi bimi lobi o maramaninga. Jésus a yebimini na mama ki bon. Jésus a zala ki mona mukio ke pire. Yo bimi l'hôpital là-bas, l'hôpital là-bas, fils. L'onction ne dépend pas de l'âge, papa. Onctueux ont dépendre na âge. Non, baso sidike, baso landa. Onctueux, na zoe bisabango, o baso landa nga agi ango bongo po ya singa mbongo va bondela pona bato. Onctueux ont dépendre na âge. Ah bon? Pierre Azaki Mokolo que Jésus. Onctueux ont dépendre na âge, papa. Donc ceux qui basse la vraiment batika. Ceux basse la vraiment batika. Et qu'on permettre évangile et qu'il ne parte tout. Mutumuso akuboya. Papa nazana batu wana bi papa nazana ba problème na lingana benga banda kala na landa ke mission na radio mais e komika so bengi faut pesa na mbongo va ba bonde la pona yo mais au moins que batébélé bah aucun discours et pas bah marabou net nazanan de comment raso ben ganga ina boy kolobambo kazali bah problème est compliqué vie naie na marambo kobota mais fallait tout bande bah service à prière abisinga papa tout bande na fin du mois na musala mais na fin du mois on a raso ben ganga raso ben papa camarade nanga moko ya mboka moko ya ngambo kaka ya Kinshasa wa a mimingé pas marabou moko marabou na singa date de naissance nanga na blog on a pesi mais avant na qui n'est pas marabou na kanisi yo kitoki na programme à prière ya on a bengi. Mm-hmm. Mais ok, ça l'a d'abord, au PC date de naissance. Na yo. Mais Marabou, au Yazo, contrôlé déjà vie. Pourquoi? Mais ce qui n'a pas l'histoire, na toujours abandonné sa papa, n'a découragé à Kobenga Bassel Nanza, mais pour nous, c'est la Sénabambo. Mais papa, ce qui est bon, on est faux, yo ça et la moussalan, pour au bon de la pour la moutou, faut pas pèse à yon bon. Mais papa, on va pas oublier. Est-ce que n'a pas pèse à Wana et qu'on fonde ma porte, nous souffrir? Volontairement, tant à zopé sa bofan naïe et qu'au salama kamouya minene donc et qu'au fond le laïe porte tant à raisonner que non moussa l'anzam babonil pour n'a pas zopé sa quelque chose volontairement et qu'au pamboulaï ma casse et qu'au fond le bapport mais ce est commis moussa l'anzam mende à zo obligé alors au robin n'a bonne la ponaïo tinda 100 dollars tinda 100 dollars papa tika qui pédité et l'eau qu'on zamba péché one à zan a besoin à toi bicapona comme ba au basala rabongo. Le banda processus de délivrance na yo. Tina na 200, 300, 400. Et là, on est dans le monde. Dans le monde, on est dans le monde. Na ko yebi sabandeko wana nyoso ke naza penza wa te pona ko edike bango na lolenge na bango ya ko yebela makambu na Nzambe. Menga na zolo baweza bo solo ndenge chaîne na biso céleste lo baka bo solo ke en tout cas kipidite wana bo se repentir non et vous permettre batu nyoso o bazana posa ko bikate ba ko mapembe na bino. Pe kaka bango te c'est la majorité des pasteurs. Vous menez avoir un problème d'angal, soit n'a qu'une langue côté moussous qui n'a même la langue pasteur parce que au sein d'un bon peut-être dans un bon. Ah, mais il y a une émission à faire passer. Tout ce qui est non aux eaux à colombe si bas fausse pratique au édo salaman église de Dieu l'homme de Dieu. Est-ce que l'année que yo mosa moussa n'en zambé prophète au canza minengolo aux eaux à côté des valeurs au dénoncé ma missala ma boke ma collègue non bas pasteur moussou basala. Yo mo posa na misala mabango o découvrir o ko changer ko bongo la moté mo ko dénoncer bango o comment papa Levin ngai kutu na ko loba ke même temps on a yo ka o nazala kinganga na bongoli mutema na bandisko ko sale la nzambe na bandiko bimisa makambo to sala ki na deuxième monde tant na yo ka biloko wana na bisaka bana na nzambe faut faire très attention nini yango ezo prouver ke mutu o azaki na deuxième monde si penza bongoli mutema ya solo akom penza akomi pena mwana na nzambe nini ezo convaincre que ye penza si apumbwa kali susute akomi penza pasteur ya kabonde la pona batwa bika ou bien bana na nzambe bakenda ka pote wiki bon asaki na deuxième monde fait ka ye biba secret wana ya bandoko solana lucifer so na ke pani na bika faut faire très attention ozana elembo moko te o ezo talisa ke ndenga za wana si abongo la penza mutema complètement. Et puis, c'est pas parce que Moutaouti n'a magie à bon moment, mais je suis un pasteur. Je suis un pratique douteuse de Naouti, Kunato, Nayeba qui a voté. Mais papa, côté l'évangile, côté Zokendelelo, ceux qui ont belélité sur les pratiques douteuses, Bananzambe, Belebako, Bika, Pinzate, Pebako, Bako, Bunga, Nakatia, Biloko, Zosala, Malélo, Nakatia. Évangile, Zokendelelo, Wapi. Papa, évangile, Zokendelelo, déjà, n'attend de la fin, Bilemonion, so Oyo, Bible, Loba, Kinabiso, Yangweza, Nakat, Nakoko, Kisama. Alors, le col à Banan, Nzambe bele bazala kana connaissance ya parole te netingai nazana vision ya sur ta parole il faut que liloba oyo ekota partout bana nzambe baye ba ko différencier makambo bele bazomona baye ba question na moni oyo oyo ezanzambe te soki na moni oyo oyo ezanzambe te so na moni pratique oyo ezanzambe te ko baye ba ndenge est-ce que yo ba koye ba yango parce que papa ezana ba pratique bele oyo ezosala malelo na kati ya évangile oyo ezali ba pratique diabolique oyo ezaba pratique diabolique na ba pratique mususu oyo wapi basali nzambe mususu bazo kende ko se référer nango par rapport ya ancienne alliance pona ko kotisa mususu ko na kinganga na babiloko ekoti wana ya bakabal juif pona kosangisa kindoki nyoso wana koyasko kolakisa ngo c'est comme si Yesu asalaki yango na bible babandeko sala boy na babandeko sala boy ezana biloko oyo déjà satan azo ko inspirer ko copier na bible pona koyeba ko permettre banganga pasteur ba évoluer ba détruire vie abana na nzambe ozomo na pasteur ayeko timola biloko na moyi azo bimisa biloko na kati ya nzoto abatu tala bana na nzambe bazobeta maboko dadi azana onction acheli boko na nzoto ya mtu eloko ebimi na nzoto ya mtu mususu kuna pe ote ya sokola kakaka ba mama mususu kuna ote yenda zo piriger mususu ya zo pesa kaka poudre uchene longi fo ba masque de veille c'est quoi ya soko bala kato ko bala et derrière biloko nyoso ba ozwa kombo a Jésus bati derrière biloko bazu kombo a Jésus bati ende biloko oyo ezo mema bana na nzambe bele na perdition soki ngonge ko beta te pona biloko oyo papa musala obiso tuzo sala oyo Nzamba ko yakutuna biso compte. Mais bazala toujours na ba verset biblique mo ba pesa ba référence ba référence ba makambo ba sala non? Ba référence biblique nyoso oye pesa makana kati makambo ona website bana na nzambe ke yo moko petanga ka bible mingi. Parce que ezana ba référence biblique mususu bazo contredire parce que Satan aya sa ila ka bible. Ebisa ki Jésus il est écrit. So ke e komama. Ye Satan aye ba ke komama. Ebisa ki soko za mwana na nzambe komama mitika na ona se o bambana totala banje ba yamba yo. Diable aye écrire. Tous les pasteurs ont basé leur pratique du tezouan. Bah, il y a écriture. Bah, tangi Bible, bah, zozo makambo eza, eza na Bible, mais bah, zo transformer en opo na ba intérêt na ba ngondo ko kuta na l'église wana ba te ka ka mai. So sombi mai te obikate. C'est que comme ba Yesu te somba non huile. So sombi huile te obikate. Musoa ebisinga bibiso ba ebisa biso chaque dimanche fona somba ka bouteille moko mai. So eko si la te na ndako. Bongo siko sogi olongwe si lise ke Yesu asili papa. Yesu asili. O pasteur ebisa bango foka ka bidwa mai wane za nanda. E bana na nzambe bele pandake ke bakenda basali la babiloko oyo. Azaki na mbasu, abiki na mbasu, abia ah, no. Homme de Dieu, aza mutu na nzamba pandisa ngo batu musuba yi. Ko bika na yo na mbasu lingite eliko lobate ke molimo na yo biki, mai wane ko zale wite ke panga ngo aliki mutaboke la yo mbasu. Voilà pourquoi ba travailler ngo biki sio na mbasu. Voilà pourquoi ba travailler ngo biki sio na maladie moko, mais molimo na yo. Po après ko bika même na mbasu. Après ko bika même na likambo yo bando mona ki bando déranger yo ba sel yo pratique moko douter zia banganga wana ubiki e bongo molimo na yo ndo moni bato ebele après ko bika na bloko wana vina bango ko ma bloqué azay na besoin mbaso ke ndaye pa pasteur nganga mbaso ebiki me ye wana zo vivre na pas si musa les actes bana ne bazo vivre bien que makambo za bloqué aza même pas stable na vie pona nyaki ndeko te ka vina ye a cause ya lobiko moko bande ko luka akekota na pasteur nganga parce que lelo partout banda ko nso nganga ba komi ngo Jésus Christ est Seigneur Jésus Christ est Seigneur ko la bande ko bazo la na biso bango mimi ba ki makana sima ba miracle kote ba miracle so sala ko bango ye baneni ke pasteur a wute pa na nzambe te oyo aganga na zone sa bande ko nso bazo la na biso que de partout dans le monde que miracle dingwa ko sala nganga ko sala miracle. Donc miracle zola qui s'attend que pasteur oyo azana nzambe miracle zele mbote parce que l'homme de Dieu moko ya basine oyo na kolobela awa pandaki bande ko bazola na biso et ko talisa pena mutu que oyo azada le faux oyo azada le vrai papa pasteur nganga un homme de Dieu oyo azo sale la magie akoki ko sala miracle mais akoki ko interpréter parole na totalité te. Parce que diable a quoi interpréter parole en totalité. Jamais papa, diable a quoi ça la miracle. Mais quoi interpréter parole en totalité, a quoi interpréter en totalité. Prophète bande au bazar. Il y a moni, ma place dans son pratique de tes ça. Et ça au coup d'aller le roman pasteur à tombola, moi habité, wana ta to sali en côté. Bon ceux qui to sali en côté ko sala ni. Au coup d'akaka que na parole de Dieu na mubimba nango na sainte doctrine, et ça na côté moko ya lobate côté yo. Boko ya tana ba jipa mikusi. Et ça na ngolo côté. Pour ba ibele pe balata ba jipa milayi wana bazana kindumba. Boko ya na bino atande bolingi. Atana sil boko ya. Po ko suka bon. O ko suka bon. Prophète bande au bazar la na biso. Et que na maman moko papa moko na problème moko azul kake azul en solution amon miracle na vinaye ko amoni pasteur moko abimi azo sala ba miracle tikotak ba misele ke te zo bima ba mbongo zo ba mba se zo biki sam ako ke ne kula te ke ake ozo solution na changer na église ma bezak maman zo landa ngoza na problème ozo na bezomo na loboko na nzambe na zo rappeler yo ke Pierre a dit ça qui Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jeterai les filets. Vanda na liloba ya nzambe okobika. Ce que moni homme de Dieu azo sala miracle ndenge biso pe to sala ka miracle ba to bazo témoigner ba cancer de sein bazo bika ba ta sida bazo bika. Oui, mais avo ko chama kolonesika wana bonde la penza mba yebisa yo si réellement homme de Dieu wana azana nzambe. Parce que ce que koi na homme de Dieu nganga o ya tambola kana ba pratique goûteuse. O ya kota kota directement okobungi sa moli mon papa. Oyebi que na koyebi sa ba homme de Dieu nyonso bazola na biso na émission yo que ce qui même Yesu masi ya yelelo ako yo ke la même nganga mawa ke pasteur akota na ndako nganga. Nande. Nganga kutu ndenga za wana yondo ke lukai. Na bota kate na sala ka boete yondo ke lukai mala musu banda ko manganga bikisa ka 20 personnes. Mala musu aboma 30, sali ka 50. Mais pasteur azobenga batu boya Yesu akobikisa bino panda ke azana Yesu te. Pendant qu'ils ont travaillé na esprit moko azwa ceux qui na mai ceux qui na zambe panganga avant d'ici 5000 personnes 10000 personnes 200 personnes avant ti bango dans le faux donc bazo bonde la nzambe ya papa ki ngandi nzoka ndeza papa ki ngandi wana za sirene des eaux donc bato ba vandi dans le faux papa nzamba ko yo ke langanga mawa ke pasteur wa kotinda kwanga. Amen. Po a, donc a bengi batu atali si bango nzambe mais a conduire bango na affaire. Mais ebele na ngio beti li sowana abanane na kibonza mazo mona ministère nezo keneri bosote miracle zo sa mate bandi mi bazo yebele te akeyine na nzela mususu. Oko yebi sa pasteur wana ni. La foule est folle. Hein? Si il faut pasteur ne soit bandolu kayé pas entraîner ba foule. Oko entraîner ba foule mo perdre nzambe. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson. La foule est folle. Oko perdre. Papa, ce qui nzamba bengi yo au sali la yé. Nzambenda kotindela yo bato. Nzambenda kosimba mitema ya bato. Que voilà oya za mona nanga. Pe bato bakoyeba kolanda. Et pourquoi plus pas dépasser baluka toujours gloire? Abeta plein adana bandimi bela zo ba mbongo. Pourquoi? Papa gloire oyo wana nde ko sala ke bato belé ba okende en faire à cause ya boluka gloire. Parce que gloire nzambenda pesa ka yango. Gloire okoluka yango te. Pendant que toujours sala musala nzambe oyo je traite l'expérience de mes années de ministère ya koyeba que au fur et à mesure que zotambola na nzambe butu moyi ke nzamba zo salela yo kombo no zotambola lokola mupipe sans pour autant yo yeba pe bato bazo pesa confiance aux okamo pe le boko na nzambe zo kita likolo na bango. Mais s'il faut yondo banda koluka te église ya mukenga pe fona koma lokola tel tel wana oyebite soki nzambe mutatombola ye oyebite soki pe muto mukili mutatombola parce que batu nyonso mukile tombola bango lelo babungiti lelo babungeza kana dele so mukile tomboli ozaka na dele ozaka na dele moko obunga mais soki nzamba tomboli yo akosimba o malabo. Parce que nabandu bazola na biso moko akote obenga nga ke non et na pasteur moko akote ne en contact a yebi sege ke non zo mungwa sanisa soki pe na masanga mais là pour nous c'est purifier aux sanctifier oko le bani aza la sanctifier uh-huh. A se purifier uh-huh. Na ebité hein ce qui est est-ce que ça biblique ou comment parce que mon appel na ba ancien testament ba mungwa pe e joue rôle belé papa ça na nzambe le lopenza na okota na likambu ya ancien na nouveau testament et mais na koyebi sa mwana bana na nzambe belé ki na kata ba pratique wana belé ba oteka mulimo na bango e belé ba oteka mulimo na bango parce que le pardon de péché Ezaka na kati ya makila na Yesu Masia, ezaka na kombo ya Jésus Christ. Mutu nyoso akofuka mabisika azali, nzambe na lola a se repentir, nzambe na lola yokeni ye mawa. Soka moni ke culpabilité zolongwa na yete, ya des choses o esenga kafuna luka basali ya nzambe. Musala nzambe akobondela pona yo, mais ya teke apesa yo mungwa, apesa yo mai, ekomina masanga papa. C'est satanique, c'est diabolique. Pour mutu a se purifier, azwa mungwa tiana masanga. C'est satanique. Amela toa sokola ngo. C'est satanique biloko wana nyoso tanga wasali so formule wana yemo kwa ibike formule na tanga sokola ngo a identifier na monde na banga komi mari de nuna. Ah bon? C'est diabolique. C'est diabolique papa. Kaka na kombo ya Yesu Masiya ndenyo sokosa. Nzamba revela kabiso nyoso. Nzamba lobela kabiso nyoso. Mais faut to sala très attention na haute zo ça. Honnête bandeko ke ba se retrouva na bakawa na kuta na mosala nzambe mobu ba kota na baba prière asenga ke sala bozwa mafuta soit ke zwa savon zwa mungwa sala bo pe asale lango elo nini ko lo bana bongo soit ke ba conséquences nini ba ko zwa na ba vie na bongo bandeko ba kuta na ba problème wana na ko yebisa bango ke d'abord ba mo ba yiki mingi ba olandanga ba pesa ba bloko wana salela azalaka azaka na malade bika na malade mais yemo ko yebi ndinga olandanga ke après ko bika na malade wana vine tambola su bien te. C'est pour dire que problème moko ibakisama. Oh wana zo na solution, mais problème moko ibakisama c'est pour dire que anyata ki bisikama. Nzambe te mutabikisa ki. Nzambe te mutabiki sake. Nzambe pe saka kimi. Bible zolo ba ke je connais les projets que j'ai fait pour vous de paix de bonheur et non de malheur. Après avoir kobika malheur ezo continuer ko landa yo. Onyata ki bisika mabe. Faut se repentir. O tube la penza ke no papa na ke na ke papa pasteur mo tala makamba sala kanga. Tala makamba sala kanga na ko tali so lo lenge nyoko tambola. Lo lenge nyoko sala po nzamba bimiso na kati ya système wana. Peut-être a kota ko dans un système moko ya monde mulili sans pour autant yo yeba et vina o pe bibi. C'est que ba o ba sala ngo ba se retrouver pe ba kanga bango koma na yebi. Oui, soki o sala ngo penza, faut ala déjà lié quelque part. So tous les ba pasteur, vas-y. Pratique nyon so mutazo sala. O eza formule ya Satan. O za déjà identifié kuna tango ozo déjà mungu wa nozo sala. Tu as besoin de salam, il y a mon quoi, il y a bien ma cambo à tout ça. À côté Kamoli monayo, à côté Kavinayo, à côté utiliser, à côté bloquer, à côté saler l'étoile. Ce qu'on met que bah ok, bah se retrouver que bah salam à Kamoana na bah pasteur, na c'est que bah pasteur on bah un exemple de terre ou comment. Papa nazo bisayo que ils en a bah pratique, monsieur soit tas ceux qui bah bisayo que camarade nanga bikaki, kocha makolote. Attends bah bisayo que ndeko moko tozaki ne abikaki na pratique wana, ok ndete. Si quand Zambé a biki son a problème, quand Zambo a son a biki son a coupé sa yo repos. Batte belé na kati a biki sa batte na papa. Et ça, le col à l'église, moko za na mboka oyo. Kuna bape sa kana maya banzete, bazumi si sa banzete, basali yango mai moko boye. Nanya zana problème tel, ngai papa, lobi yaka na 5000, bazumi yon a bape sio, bape sio, ato tchen zete tel tel nzam, bazolo basko nzam bako sal. Donc normalement, et ça n'ango tradit praticien moko. Azu kombo yé soache. Ce qu'on a monique, ce qu'on a monique, ce qu'on a monique, ça forme église. Le roi tout ça n'a été laïque. L'essentiel, le bici, l'état qui n'a pas de tout, là-bas, tu vas au Mikanda, avec ça, bon. Donc, bon, ça va au Mikanda, l'essentiel, le bici, l'état qui n'a pas de tout, on a un chabat, misapinamis, on a un pirigé, tu vas au Mikanda. Le roi tout ça, on a étape pour un mot qui est à niveau, on a que l'église n'y a pas de possibilité, ou ça, là, où il y a un lingui, l'essentiel, le bici, l'état vérité, va passer Mikanda. Alors, biso, il faut tout télémer là-bas, pratique, ou alors. Total, il s'en a un zambé qui, ou on a au boum, si mon limon. L'homme de Dina, sa question Yasuka, pour un tout côté à la solo, mon souci, net que aux aboués. Sœur Moua Benio, maman, mon copapa Moua Benio, pour nous prier. Au copain, au signe, ma photo, hein? Atinou, ma photo, pour nous prier, le chat prier, le couloir, ma photo, comment? Et on a une impudicité, oui, il y a WhatsApp, na Facebook, et continue à battre une yonso. Papa, oh ya Sénégal là mon papa, un serviteur de Dieu, collègue. Tu mets là ma photo na yoko na na zone ça bande nzambe, ils ont erreur monsieur, faut pas que ça l'aille. Pour toi bien au bien que plusieurs personnes va sacrifier ba ngoka na ba photo. Toi bien. Est-ce que faut d'abord papa na opé sa prophétie ya que tant to zobonde la nzamba tali singa Jean, Jean zana nyo papa na. Otindele nga photo na. Ngana toyebanite nazo bondela nzamba pesinga ko mba mtu bovanda kanaye azana nyote kamera tovanda kanaye tala mara nzamba lubi pona eke basala boy sala boy sala boy so ye comme il faut na bondela pona yo e comme il faut photo na yo ya na intention tindela nga ba photo no tango zo tindela mtu wana ba photo no oza circa homme de Dieu point d'interrogation bon oza za homme de Dieu nganga oche vina yo api. Pour nous, nous sommes dans le bambou Kazate, camarade, mimi et pas ya maman, ya nganga moko pour nous, nous avons un problème à vie, nous avons un problème à nous, nous avons un problème à nous, nous avons un problème à nous, nous avons un problème à nous, nous avons un problème à nous, après, nous avons un problème à nous, nous avons un problème à nous, nous avons un problème à nous, nous avons un problème à nous, nous avons un problème à nous, nous avons un problème à nous, nous avons un problème à nous, pota moko yeko bima ina nzoto. Pota wana sali nyoso. Ava pota ne bima aloti nanu marabu wana. Ayele loko la mari denu. Ayele loko la mari denu. Apre pota wane bimye ina nzoto. Pota wana koti bopitala sali nyoso bantibiotiki nyoso ameli pote boyo kawuka. Amoni penza ke uwe komili wa. Ndesko ayeko luka basali anzambe akwe nande komoko apese nimero. Kaka na prophétie kutu ya lobite ke pa na comprendre vina ngati famille na so ki ndokeliki na zana pota moko wa na zo mona ka ba lokinga mais to kany heureusement nzamba loba to kanyinga misu na bisi mena monyo na ndaka marabu pote papa copine moko nda me makinga mais okende ko sanye pa marabu po na monyi marabu wa na zo travailler na photo na vina c'est ça une to kya te ki vina a yesu pa basala nzamba après musala nzamba ko mutatoni soka yo ka nzamba miteni ako mikotatoni. Ce n'est que ma sœur, ma frère, na ba sero ke ba singa bango ba photo et pas ba sain na nza minute ke ya na musika na photo parce que na tête pour ya ma père wana na sero moko atinde na ba photo na ye somo na bango ko zala mi na ko ebi sabande ko nyoso batinda ba photo na bango par ci par là atinde na ba photo na ko singa bino logo mo za déjà trop tard sur tinde ba photo mais bonde la encore nzambe sur sur ba photo na yo parce que nzamba yo ka lo sambo na biso surtout aux amona na nzambe nzamba otika te ba détruire vie na yo bonde la travers ba photo na yo tinda par ci par là yango moni même ba tu bele so ke na ba niveau ya ba internet na ba niveau ba Facebook bino ko na ba tchaka ba photo te. Parce que bah, tous les témoignages j'ai belé sur ma photo, photo, bah, une photo à mariage, il y a mon bah, travailler en gros, à partir de la photo, bah, utiliser moi si on a bah, envoûté, mais bah, détruire le couple. Wana. Alors pendant que vous avez une photo, na yo, en tout cas, bah, on a une photo à bonde la penza ebi sans ambe bisika ba photo nangi kenda na ebite batelanga bombanga e pela moto ezika soki na sima nango ezaki na mayele moko ngana kokay boye bate ngana kanzike pona bonde la pona moto isi fina yo kavwa na ina telephone soki na bonde la ko temoneza et non kotina ba photo ba photo te na intention c'est d'abord suspect il faut que ba yo muto sale ngona onte keba ba senga yo photo tindelanga ba photo no pona bonde la pona moto papa to senga peut-être comme parce que nde na zaboye nazana intercession mobimba we bondela pona ba cas difficile na koza la na moment oyo nazana ndekomona olandela na prière azana mboka mususu engana la ligne église te nazana veiller quelque part na zui kombwa ndekona tozana kaye mobimba na tiki yango ba intercesseur ta ba fuka mi bazo bondela bazo tala pe kombo mama Nicole Kapinga nzamba lola salela e bolamu bimisa e bisika zali intercesseur ngana bondela ka intercesseur pe bondela ka pona ba kanyo songa na yamba ngana zo bondela mais intercession peut fou comme abutu nous sur le na sens où on a quoi c'est une combo photo t'es pas voilà bonzambe na bonzambe lo les eaux foot abandé au bazar on a vu sur des partout prophète Marquis et là on a na bakisa obéti sur la bas photo photo bah quoi il système na bas Facebook parce que tout comment on a na bas réseau hein na Facebook a signé de quoi c'est du mariage a publié qui fiancé a soumis le point on a signé quoi publié Ezamabe na quoi ça bana na nzambe faut faire très attention bana na nzambe vraiment na sunga na ligambo oh papa Levin c'est une bonne question oyebi que nzambe ya lola oyo a sali mokili na ye ata lelo ndenge na pesaka prophétie avec exactitude nzamba tikala ko lakisa bisika fanda kate papa yo pe lokola nzamba lakiso bisika fanda kate yo poza mosali ya nzambe papa na ngai nzamba lakiso bisika fanda kate ato komi pape nzamba otali so bisika fanda te et pourtant ozana maka ata lakisi biso place fanda mutana makasa ko niko kanga yiku na tune pona nyo bomi mona nanga azati mais nzamba sa quand même na secret yo zana secreté basali ka moi prédote na famille na bino ou publié na Facebook pendant que bibi famille na bino balakati babalakati et c'est erreur grave parce que ce que zaki ko zo malupang jamais linga ki o informé na famille na bino o linga ko bomba bay baté ko zo malupang ce que tango informé prédote na famille mo informé na bando kinyo so bana Facebook ndo moni papa na zana ndeko moko na bonde la pona ya zo botaté des mois zo bana kati na inga na kota jour ya mariage tango ba otambula na victoire tango ba tambula na mutu o moni ba jour ya mariage wana ba bimili kolo ya toi ouvrant ya mutu ka ba otambula ki sasa mubimba tala bino ba tukenda ko sala oublier que zana ba esprit na o eluka yo kala na ya famille na yo na ya famille ya mobali na yo oye ko ko profiter kana mama wana bino bozo fete ya de sho bana na nzambe foko zana secret na bino foko zana secret nzambe na lola yemo ko zana secret ala kisa mutu bisika fanda kati sokeza na bana na nzambe bele lelo baza combattu même na kati ya influence ya ba famille eza koza kozanga secret a koza kozanga secret. OK l'homme de Dieu bande bazo la biso de partout bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya lo bakenza maboye to koye les soua du bien aimé dans le Seigneur to za na prophète Marquis bande o bazo la biso o ta prophète li solo la fois passé ya prophétie simbo ka elo nza matel sa aussi RDC to kota na mozindo na yon na kata mozindo ya onza mbazo talisa na koye bisabana na nzambe nyoso ba holanda partout dans le monde na kanti ke to kozwa papa émission mobimba pona kolandela pe koyoka penza likambo o nzambe azolo ba pona mboka mais pour le moment pona bandeko oyo ba landaka penza ba message o nzambe azolo ba pona mboka na koyebisa biso ke il faut to keba to komina moment moko o wa penza mba telemi penza na fimbo makasi surtout pona mboka oyo Congo liboso tozo kende awa ezana batu oyo penza nzambe azobeta bango à cause ya souffrance oyo nzambe azoyo kezo ganga manakati ya mboka oyo à cause na bango lelo oyo tokoki koloba que toute autorité vient de Dieu ngenge batunyo so ba puyaka ngona bible zulo ba toute autorité vient de Dieu mais oyebi que pharaon nzamba betaki mais utaki pe pa na nzambe nde makambo ko sala mana mboka oyo iboso to zokinde ao ezana batu oyo nzambe azobeta bango pe azolongola bango na mokili a cause ya ba complot pe nyoso oyo bango bakenda ko sala po mboka oyo nyo kwa ezana batu oyo tilelo ti batu bazoluka ba bima ba bongisa mboka oyo kende liboso bango nde ba bloqué ba vandeli mboka oyo na kati ya makambo ya mulili en fait que mboka oyo ifungwa mate nzamba telemi na film iboso to zokinde ao boko mona makambo nzamba ko sala po ezana batu mibale na nzamba zolongola bango na brisque liwa eko surprendre bango soki batu beliti banane batu mibale na batu mibale wana eza na deux camps camp moko eza ba pasteur camp moko eza ba politicien camp moko eza ba pasteur camp moko eza ba politicien wana yo kinzambe wana na yo kinzambe ko parla ozo confirmer prophétie ya Roger Baka nenga lobake o comment parce que Roger Baka o tawbe o beta biso mo ke non mo kona sena zo kufa tak ba pasteur mo mi bale ba kufa di sous ah bon nzambe apa mbola papa Roger Baka que je salue en passant na na landa ka penza yete la rumeur na yo ka ka lobaka vraiment sur makambebele mais na ebité ce qui a lobaki yango na sens que ce qu'a pointé qui mutu moko kota politique père le belaki ba pasteur aussi je confirme tu confirmes ouais. OK yo politique ezako ten na politique na ba ministre na politique a wanzambe atelemi na lobi bien nzamba atelemi na politique ba pasteur a nazonga na politique ozo politique to dans l'assemblée nationale to dans le sénat to dans ba ministre na ba policier simbu ya nzambe za likolo 1 ya ba sénat na sénat bo tubela déjà yo muto fanda na sénat wana pona kaka ke yo ndo fina ko lekisa ka nyonso e fina mamboka weke ne libo sote nzamba termina sénat muto moko azo kende kala mingi te soki kaka afunguli motema na eta tika mabeo ya zo sala pona mboka nzamba zo longola na sénat na sénat nan nzamba lo bibo et puis a part na sénat na ensemble moko te ezana muto moko ya telema wana pene pene ba ministre yenda encourager ka nyonso beba kaka nyonso beba et pourquoi nous avons frappé nzamba zo frappé parce que atikela ki batu bele temps pe batu wana ba yebaki te ko bongola mitema pe ko yeba ko changer et pourquoi ko frappé ka bango nzambe nda lobe zo frappé le kola za la camarade amutu te alobi a zo frappé parce que zana makam bebele sala maka awa na mboka nzamba revela ka biso ndenge mako nzamba revela ki biso prison makala ve bukana nzamba tali si biso tala makile sopani tala makambe salami tolobaki yango mpe salami quelques jours après prison boukani makile sopani les gens ont interprété nyonso bakoloba nzambe esi alobaki na biso nyonso oyo mokili esalaka nzambe azalaka leta ya mboka oyo fo ayeba ke le pasteur bazali bato oyo tanke bakozala néglige na mboka na biso makambo ebele ekozalela bango kaka butu papa awa nalandaki na emission na yo moko ozolobela makambo ya baojana avant kutu jana soki ojana wana tolobela kuluna bakoki yango ba benga soki besprit de mort ba ya soki banani besprit de vie soki nini ba boma ba kokia ngote parce que sont des choses oyo tant que ba roluka ba sala nzambe te bala ki sa bango lo lenge mboko eko bima na kati ya système wana kuluna eko sila te ata ba juge général nani eko sila te parce ba sa prochain pe na ba sala nzambe bele yo ebi suka na bango ba sala nzambe ba sangani na ba musulman na ba bouddhiste na banani banani ba ki na stade pona obondi la ba sala nzambe marke wa bokebele la nzambo ya bino jésus dernier temps to komi presque na émission na musique comme que le solo yo ya ba prophétie nzambe a peso sur mboka pe sur ba pasteur oyo ke ba okufa kala mingi te suite na ngwe zala na ma deuxième numéro ya émission na musique semaine prochaine déjà et j'aimerais maintenant que to me un peu au concernant séminaire aux organiser l'église comme on a déjà mis sur ta parole ensemble sur ta parole pour apaiser organiser 21 jours de prière na lingai ke bande konyonso ba profiter ko ba musala oyo parce que za musala oyo e kangula ka mingi e kanguli ba tebele et moment oyo na zape na besoin bande konyonso balandaka chaîne Nabiso partout dans le monde la voix céleste va profiter déjà que les 14 il y a les lots et le 4 octobre 21 jours oyo ils ont 21 jours moko il y a pas cas difficile thème na ngwezali les serpents de pharaon oyo wapi to ko bondela pour na bande konoso partout dans le monde ou bazana ba problème ou mila pour babika pelo boko na nzambe et pourquoi les serpents de pharaon pourquoi thème mon si je non Le serpent de Pharaon est dans la révélation moko oyo bandeko fobayeba révélation moko va na kati ya le serpent de Pharaon Bible zolo ba que bana Israël ba vandaki na kati ya Égypte et na kati ya Égypte ba bengaki bango ba juif ba bengaki bango pe ba hébreu mais babenga ki bango ba hébreu tozomona na bible mukolo oyo bazolo kota Moïse na mai bible zolo ba ke mwana ya pharaon alobi e mwana ya ba hébreu deuxième maman mukolo oyo Joseph azoboya ko bimana mwasi ya Potifar mwasi ya Potifar tango Potifar aya zo expliquer alobi tala hébreu oyo yela kingai awa babenga ki peuple a Israël ba hébreu à cause de leur langue hébraïque ba vanda ki na kati ya Égypte mais ba bande ko loba ki égyptien te bazala ki na langue na bango voilà pourquoi nous sommes pas de ce monde mais nous sommes dans ce monde nous sommes dans ce monde mais nous sommes pas de ce monde oyo mokileko lo babiso to lo bango langage moko te na bango et puis ba benga ki bango les susu ba juif ba benga ki bango ba yuda à cause de leur religion na na kati Égypte ba benga ki bango ba yuda te ba benga ki bango ba hébreu mais ba bengi bango ba juif tango ba traverser mer rouge ba koti na désert lo lenge na bango ya kobonde la judaïsme nde ba bengi bango ba yuda et bible zo kende ko révéler biso que peuple oyo ba vanda ki en captivité ba vandi en captivité a konyo kwa ma peuple na nzambe na ba promesse à cause ya serpent ya pharaon parce que pharaon azali langage pharaon c'est le diable azali langage o esala ki ke peuple Israël ba vanda ya konyo kwa manakati ya mboka wana parce que Israël nakati ya Égypte bazala ki na souffrance morale bazala ki na souffrance conjugale bazala ki na souffrance financière bazobi manatongo bazokende kotonga banda ko bango ba kofanda te bazala ki na souffrance morale ya ke bazo beta bango fimbo bazala ki na souffrance conjugale Israël nakati Égypte bazikala ko célébrer mariage te ndo moni so ki famille e vandi non na kati ya serpent de pharaon bobala te so bobali bo divorce so bo divorce te bo kota mabala pasi nde musala o ezo banda wana mais serpent on dirait que serpent ya Moïse et Melaki ba serpent ya pharaon merci beaucoup papa serpent ya Moïse avant mais la serpent ya pharaon formule o esalama ki wana nde ko salama na 21 jours o pona bande ko nyoso o bazana besoin que nzambe a visiter ba parce que na kati ya Égypte peuple o na promesse na nzambe ba viva ki kaka captivité bazo nyo kwa mabazo benga bango ba hébreu bazo souffrir bazo ki espace a kobimate pona nini il y avait le serpent de pharaon serpent est un totem. Pharaon a un totem. Il y a une famille qui a été souffrée. Il y a un totem. Il y a un totem. Et totem est un totem. Il y a un totem. Il y a un totem. C'est l'emblème symbole protecteur d'un clan. Parce qu'on ne peut pas parler à totem sur ton clan. Et dans le clan, il y a un ancêtre. Ancêtre est un pharaon. C'est que pouvoir y a pharaon vénéré dans le il y a totem où ils qui serpente kangi peuple mobimba nakati ya pasi souffrance conjugale souffrance financière bazonyo comme na ndo zomone zana bande ko bele asala kamisala mais azo progresser te azana kati Égypte papa azana nakati ya serpent de pharaon azo kamela ranaye après ya ramé progresser bon nazaku tuna misusu ayé mon ngati nga papa boganga na ayé misusu baluka ilo nganzambe oui ayé na ba promesse a progresser te ayé mon ngati nga papa boganga to se repentir na tobela mibale ba tuna tika via masaka na tika boite na kota papa na tika la na prière 5 ans où vie n'a changé. Mais dis oui, au commis déjà dans niveau ya que Moïse ici à Botan parce qu'on accepté Christ. Au commis dans niveau ya que miracle c'est au salama dans le sens où de jour accepter Christ c'est un grand miracle. Ya ko ndimela Yesu Masia, mais tikali ko bi manakati ya serpent de pharaon. Et tikalo bi manakati ya totem. O bi manakati ya système. Ko bi manomba ko bi manne parce que bana Israël bazala déjà na promesse en Zambe. Oui papa, bisonyo so tozana promesse. Bisonyo so croit tu seras sauvé toi et ta famille. C'est ça la promesse. Mais belé ba ndimela Yesu ba sauvé te. Sauvé wana za pona ciel te. Parce que yone ngoza boye so ko tamboli bien. Ili ko lobate ke o sauvé famille na opo yo tamboli bien mwana na kuluna ke nelo la jamais. Sauvé wana za sur les plans sur terre awa. Sur les plans vie. Croit tu seras sauvé toi et ta famille c'est sur cette terre. Tu seras sauvé d'abord ici avant le ciel ici. Mais Bible est pesée ba que non, les projets que l'Éternel Dieu a pour vous, ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Mais il y a plusieurs, beaucoup de chrétiens qui ont la promesse de l'Éternel, mais bazo souffrir, mais bazo mona passé. Il y a un ça ne va pas dans ma vie. Et ça n'a pas oyo, bazo la promesse le roi Abraham. Nzamba ebisi to kolobela ngona ba emisie zoya. Nzamba lobina esor, nzamba azo sa ça Abraham exode parce que exode bandi na peuple Israël te. Et bandi na Abraham. Nzamba ebisi bima na ndako baboti na ko tombolo exode bandande na Genèse. Exode banda na Israël te. Nzamba zo bimisa ye. Et ça n'a pas oyo, nzamba bimisa bango bongo. Bima na sali la yo andimeli nzambe mais azo vivre blocage complication azo bisa bandeko wana benga to bonde la natali sa yo parce que Abraham akoma ki même na niveau ko tuna nzambe seigneur biloko na ngana nya kozwa mwana héritier na ngai kozala mwana musala na niveau wana Abraham nzamba yaka ko accomplir promesse ata mukolo mori pa Abraham te nzamba luka Abraham a accomplir mission te accomplissement ya promesse ya Abraham po izaka ko tananda ko wana Abraham ye mukwa luka ngo amona basali na nzamba na kati na bango nzamba za laki bazuki ne kutumba Sodom na Gomero babando ya même pas epanaye mais le kola nzamba lola tambola kana maleto ezana biloko nyoso na kati ban kobota mbong misala Abraham abi bato bako lekati fo bako tananda kuna ngabalia et pendant que bazuko tananda kuna ebalé bazo déclarer maloba c'est pour dire quoi Isaïe kozanga Abraham nzamba ko tananda kuna a prometta ki mesenga ki ko tananda kuna et singela ki akota ezana ba tebele bazana ba promesse nzamba la kila bango bolamu abongisa ba projet bolamu pona bango na nzamba ko tina vina bango te akota na vina bango te mais malgré que nzamba bazana kati ya bazana kati ya Israël bazana kati ya Égypte bazo vivre na captivité et singa ki na Moïse aya Moïse botami azana ne pas pharaon abimi ake et pa ya papa bokilo na Égypte c'est à partir de là que nzamba pesi mission parce que pendant que Moïse azoya azokuta ki peuple nyoso bazo souffrir parce que Moïse aye nzamba zo bisaye Moïse tant azobi mele azobi saye nazo pesa yo mission Moïse alobi na okokate nzamba ebisie ozobi misape abiba ko ndimela ngate nzamba ebisie ninyo zana ngona maboko Moïse alobi nzete nzamba ebisie boka nzete na si nzete oyo tant azobwa kezo bongwa na nyoka Bible zoba ke Moïse abandi ko banga zo simba nzete na mukila parce que akokai ko simba ngona mutute nzete wana za parole de Dieu parole de Dieu papa yo muto amakila lokola ngai ko simba yango na mutute fo simba na mukila oko ko simba parole na mutute okay obeti di solo ki nan ya Abraham Abraham il fait une zamba kota nanda kunaye mais même Abraham sobi après que avoir que ba ange les trois anges ba yé nanda kunaye l'homme du milieu était l'éternel lui-même l'apparition du Seigneur Jésus-Christ avant que arrivé na nanda Abraham oyo ebengami na ebengami Christophanie mais toujours so otani na dilo papa ba dit que après avoir que nzambe appelé Abraham message Sarah kuta dit parce qu'elle était avancée déjà en âge mais et ko mais Bible aussi que Dieu se souvient de ce qu'il avait promis, de ce qu'il avait dit à Abraham, mais merci papa, avant que l'Éternel se souvient de ce qu'il avait promis. Liboso balia kinan. Et tant que les gens sont là, ils sont là. Ils sont là. Abraham, où est Sarah? Bazo luka Sarah pourquoi? Sarah a dit oyo na promesse a raté. Nous avons promis à Abraham. Bima, il y a des gens Sarah. Sarah a la promesse. Mais jour balé, avant Bima, on a dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Pourquoi Bazo luka Sarah? Papa, na zobi sa bana nan zambe, ou kozana ba promesse. Mais ba promesse, on a pas que ça, mais ça dépend de moi si tu es au bali. Yangwana, si vous avez un message clair sur mobile ou lingo bal, sur moi sur lingo bal, faites très attention. Oye, bisabiso le rôle à Solomon a eu quand il a une mission. Ote, natuna ginzambete, pour moi c'est le gars qui tourne. Faites très attention. Que tant que ma promesse s'accomplit, nous avons goûté la nanya zamu pandina. Balet, Sarah m'tala mbi balé ba vandi ba sisi. Avant battre le mabatuni Abraham, où est Sarah? Avant battre déclarer maloba que na même époque na moi oyekoya et na na oyekoya au robot à moi na avant battre déclarer maloba ya lipamboli on a posé kakota. Où est Sarah ta femme? Baoluka Sarah. Mais yé nzamba prometta était pourquoi? Le col avant na kana yo, il faut yoka oyo tozolo beko salama. C'est pour dire que ceux qui nzamba linga accomplir oyo tcha na kati na yo sœur, frère, akuti na mupandi c'est une femme ouais ça na yé na clan ya pharaon akuti yo zana moi c'est na clan ya pharaon moi si ya serpent de pharaon promesse année kok samati promesse kok samati aussi au tozon na lisolo Rachel na lisolo ya Rachel na Léa na Léa na Jacob na Jacob Rachel Luki Luki promesse ko ki sa na vie na et ko ki sa mité Bible pe zo ya ko ba ke lorsque l'Éternel se souvient de Rachel atika ko ba te ke se souvient de Jacob il a dit que se souvient de Rachel au moment que promesse on irait ya robot de ye pas Rachel Zambe voilà qui a canisé la Rachel parce que Léa bota ra Joseph te le tabota ra Joseph ya Rachel Rachel le ko la Jacob azala ki mouto na ba Abraham bota Isaac te et Seigneur a bota Isaac ezali Sarah. Oui. Mais Bible connaît le bique lorsque l'Éternel se souvient de ce qu'il avait promis à Abraham. Jacob a zala ki muto déjà cela qui alliance dans Nzambe pour na repos ya vinaï. Du fait qu'il a zala ki muto ya repos, il a fallu toujours Rachel Nzamba kanisela et pour Léa botaka Joseph te. Rachel muta botaka Joseph. Je crois bien que tombé ta son en aussi ma bien-aimée dans le Seigneur. Bien que ce côté dans mon zino na reta. Je crois bien que prochainement oui. Le vendredi prochain au royaume non prophète a invité na biso bino ba obola biso de partout ba question ba makambo bo comprendre te beaucoup comme la biso na commentaire na numéro ezawa soit bo bengi pe prophète numéro na yango na botunye ba mituna ba prière et kozala bien makasi. C'est pas ici que tozo boucler et bouche à émission na biso. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Votre numéro de contact prophète dernière parole nanga numéro de contact Nzambe ya pambola bande connue sur balandi biso partout dans le monde maman Marlène Mayoka na pesimbo te mingi Nzambe ya pambola bino numéro ya contact ezali na bande connue sur balingi ba contacter le prophète Marquis Efrata plus 243 89 104 78 36 89 104 78 36 Nzambe ya pambola biso a pambola yo mingi papa na musala oyo Nzambe na lola a pesio po bana na Nzambe bazwa connaissance ya parole. Merci bonne Nzambe na bonne Nzambe. Mais Lola, les autres, c'est mon nom, tu as vu que nous avons vu. Pourquoi il se soit dit, dans le sens de la vie. Merci beaucoup. Merci.